Merci de nous être fidèles à ce rendez-vous qui s'est installé. Bah oui, on peut fêter bientôt les 2 ans de l'émission. Yes. Ça va faire 2 ans, nous, qu'on est là et qu'on vous accompagne là chaque semaine en podcast. Vous avez choisi de nous écouter sur la plateforme de votre choix. D'ailleurs, si ça se trouve, vous êtes sur une plateforme qu'on connaît même pas, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à reprendre les podcasts. Ouais, c'est vrai. Hein, si. Des fois, je trouve ma gueule sur des sites que je ne connais pas du tout. Ça, c'est pas un homme, non ? Non, non. Ça il connaît bien. Une autre carrière. Je comprends pas. Il y a des sites en russe, des fois, et tu vois ma tête. Là, je suis là, ok, bon, bah voilà. On okay. Repère sans Russie, peut-être, je sais pas. Non, c'est sympa, hein, ça fait un concept. Hein. Alors, il y a une nouvelle voix que vous entendez. Et alors, Baptiste, qui est avec nous, rejoint l'équipe. Si tu devais dévoiler, tu lèves un peu le voile, voilà, tu soulèves la jupe sur ta vie. Oui, que court. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs là, qui ont la chance de nous écouter en podcast que eux n'entendront, les gens à la radio, ils ne l'entendront pas. C'est un petit secret là, que tu vas confier à nos auditeurs en podcast, un truc sur toi. Qu'est-ce que je pourrais dire comme... La vérité. Un petit secret. Le surnom que ta maman te donne, par exemple, je sais pas. Ah oui, t'appelles comment ta maman? Maman, elle m'appelle Baptistou. Oh, Baptistou. Baptistou. C'est, ah, c'est trop mignon. Elle me fait un petit bisou sur le front avant d'aller dormir. Oh, bonne nuit, Baptistou. Bonne nuit, Baptistou. Avec cet accent-là. Bonne nuit, Baptistou. Elle a vraiment cet accent? Non. Mais bon, tu viens d'où? Moi, je suis de Wallin, centre géographique de la Belgique. Ok. Alors, laisse-nous. Tu te tapes plus ou moins vraiment en plein milieu, c'est vraiment là. C'est pas Namur au centre. Bon, ok, d'accord. Et c'est à côté de quoi Jean Blou. Ah, voilà, ouais. Là, on situe déjà mieux. Ouais, ok, d'accord. Allez, va, fais pas cette tête-là, ta géographie, enfin. Mais j'ai jamais été forte en géographie. Ah bah voilà, bravo. Ouais. Entre Jean Blou et Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, ça, je vois. Tu vois, entre Ostende et Arlon. J'ai réduit de plus en plus. Ah oui, là, oui, au milieu. Ah, oui. Là. Ouais, là, là. Tu vois, là, la Belgique Oui. Là. Là. Merci. On rappelle que tu viens de Cul-des-Sarts et Presgo, ouais. Des endroits improbables. Mais non, c'est beau là-bas. Oui, bien près sûr. Près de Chimay. Oui. On fait de la bonne bière. Bah ouais, ça c'est plus important. Ça, évidemment, ça, et des beaux festivals mulets aussi. Non, ouais. Ça c'est du côté. Parce qu'en fait, oui, je viens de ci et là en Belgique. Oui, pour ceux qui nous rejoignent, Maëva est. Itinérante. Un voilà. Patchwork belge. Un patchwork. Une œuvre abstraite. Le guide du routard. C'est ça. Elle a baroudé. La baroudeuse. Voilà. Une belle équipe qui est là avec vous pour cette émission. Merci de nous avoir choisis. Ça nous fait chaud au cœur que vous soyez là sur ce podcast. Ça démarre maintenant. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Des 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Waouh! Oula! Ça va, Jadoul? Serait-ce un Jadoul malade? Complètement. Oh. Oh. À tout moment, là, je lâche la rampe. Hein. À tout moment, je cède. Mais mamie dirait, c'est changement de temps, tout le monde tombe malade. Ouais, c'est vrai. Chaud, froid, chaud, mais froid. Oui. Il n'y a plus de saison. On donne de la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Que deviens-je? Que deviens-je? Non, mais il ne faut pas que je monte dans les aigus parce que. Ah oui? On ne te demande pas de faire ça. Non. Bon, c'est pour le nombre de fois où Maëva est rentrée de soirée et qu'elle fait l'émission dans la foulée. Oh Dieu, ça arrivait que quelques fois. Quand même. Quand même. Quand même, oui. Par semaine. Par semaine. Par semaine, oui. Oui, parce que dites-vous qu'on fait l'émission là aujourd'hui, mais. Les 3 autres jours de la semaine, on le fait aussi. Hein. Voilà. Sauf qu'on ne met pas à l'antenne. La seule qui est diffusable, on essaye d'être propre. C'est ça. Voilà. C'est un best-of, en fait, que là vous entendez. Voilà. Bienvenue, 20h04. On est là, on est le 15 mai. Là, dites-vous, c'est 5 émissions fin de saison. Ouais. Quoi ? Oh, arrête. Ah si, oui. C'est une blague. Mais non, 5 émissions et la saison est finie, à rideau. Comment ça, rideau ? Bah, moi je veux pas de rideau, tu mets pas de rideau. Déjà la fois qu'il y a un store, ouais. C'est un store déjà. Le store, il était fragile alors. Fait déjà c'est frais comme ça. Ah non, c'est. Waouh. Alors bon, on va présenter tout le monde. Bonsoir Kix. Bonsoir. Ça va, tout va bien? Très très bien. Pas de mort, ça va? Pas encore. T'as pas fait de drame encore dans ta vie? Attends, je réfléchis un petit peu, mais non, je pense pas. J'ai évité, ouais. Non, tes études? Non, ça non, va. Non, ça va. C'est pas encore fini. Ça arrive, ça arrive. La fin est proche. Voilà, ok. Maëva. Bonsoir. Qu'on appelle aussi la molaire dans mais le milieu des médias. Non, personne ne m'appelle la molaire à part toi. Ah si, mais d'ailleurs, sa page Wikipédia n'est accessible que sur base du mot-clé la molaire. Je n'accepte pas. Mon cœur reste fermé. Ça, vous savez, est-ce qu'on peut le dire un jour à l'antenne? Pourquoi est-ce qu'on appelle Maëva la molaire? Non. Si. C'est pas gentil. Parce que c'est la dent la plus solide. C'est la sagesse. C'est les dents de sagesse, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est elle, le voilà. Savoir, le pouvoir. Pas parce que c'est la grosse du fond, parce que c'est la dent solide. Merci Maëva d'être la mâchoire de l'émission. Oh, c'est beau. Merci. Je sais pas quoi répondre à ça. Je t'avoue que là, tu m'as. Je t'ai scié. Oui, tu m'as scié. Ah, c'est beau. Hein. Oh, on a du vocabulaire ce soir. Et avec nous, on a décidé d'innover. Ou du moins, on teste des choses avant la fin de la saison. L'assistant. Ouais. Non, mais non. Il rejoint l'équipe. Ah oui. Oui, il rejoint l'équipe. Je vous demande d'accueillir Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est ce moment gênant où en fait... Les gens applaudissent derrière. Ouais, non, mais alors, attention, on peut faire un public, mais ça va être très minable. Attention, on te le fait. Wouh ! Merci, merci. Ouais ! Bienvenue, voilà. Baptiste ! On est au max, là. Hein. Bon, alors, Baptiste, on va faire un chrono-quiz avec toi. Cool. Le principe, c'est tu as 5 secondes pour donner 3 réponses à la question que je vais te donner. D'accord. Ah bah, l'accueil est super en tout cas. J'ai un coup de pression. Je ne suis venu que pour ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'après je retourne. Si on ne fait pas une première antenne sous pression, à quoi bon? Et l'émission se termine là-dessus. Après ça, on a fini. Hein. C'est une vengeance. Nous, quand on a fait nos premières en radio, on était tous extrêmement mauvais. Lui, il a trop d'aisance. Nous, on veut bam. C'est vrai, c'est vrai. Me niquer la gueule direct. C'est ça. 5 secondes pour me dire 3 passions que tu as. Alors, le théâtre. L'improvisation et le foot. Ok, wow. Pas mal. 5 secondes, ok, ça tient bien. Y a pas un jeu comme ça où c'est pas Motus ou... Motus. Motus il tire des boules, c'est pas pareil. Ça c'est juste après. Merci de nous avoir choisi, on est en direct. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Ah, de la télévision. Pour le pourtoi de la semaine. Écoutez ça, voilà, concentration, tout le monde a son casque à fond, hein, oui. Évidemment, on écoute. Long derrière et court devant. De quoi on parle? Long derrière et court devant. La coupe Mulet. Bonne réponse. C'est vrai. On parle de ça. Long derrière et court devant, qu'on aime ou pas, la coupe Mulet traverse les générations. À Quévrin, c'était le week-end dernier, la 5e édition du Festival de la Coupe Mulet. Dans cette ambiance détendue, on y retrouve une programmation musicale, plusieurs jeux comme le lancer de mules ou encore le concours de cumulé. Ils étaient 1500 festivaliers par jour. Ah oui, quand même. Venus pour le championnat d'Europe de la Coupe Mulet ici en Belgique. Incroyable. Et certains venaient de très loin. Alors, quand on vient de loin, au moins, on passe au stand de coiffure. Dans cette ambiance détendue, on y retrouve une programmation musicale, plusieurs jeux comme le lancer de mules ou encore le concours de cumulé. J'ai déjà mis ça. Oui, le concours de cumulé. Pour les gens qui sont pas amnésiques. Ouais. Je me suis fait embrigader par une copine, je vis dans le Jura en France, elle m'a dit viens, on va en Belgique se faire le festival de la coupe mulet. Puis je me suis dit que faire 800 km pour même pas se faire une coupe de cheveux, c'était quand même dommage. Oui, Maëva va en témoigner. Mons Borinage, on sait se marrer. Hein. Oui, non, mais franchement, t'es jamais allé au festival de la coupe mulet? Ah, non. C'est drôle. Ah oui, t'y es déjà allé? Ouais. Vraiment? Ouais. Mais c'est une blague. Mais non. C'est ça, la coiffure. Quand on ment en radio, ça se sait. Hein. Non, je sais, mais non, j'y suis déjà allée. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'elle faisait une frange devant. Oui, t'étais pas obligé d'avoir une coupe mulet pour y participer. Hein. Ah, non, tu peux aller juste boire une bière. Hein, ah, c'est nul, bien sûr. Oui, l'apothéose de la soirée approche à grands pas, à savoir l'élection des plus beaux mulets dans 5 catégories. Et là, Maëva, évidemment. Non, je déconne. Cette année encore, le plus beau mulet d'Europe est une femme. Je crois que j'ai très hâte de l'annoncer à ma famille que mon mulet m'a emmené si loin, surtout à mon père qui n'est pas très ok avec les cheveux colorés. Donc j'ai très hâte de l'annoncer à ma famille, ça me fait très plaisir et je trouve ça extrêmement drôle. Tant de points communs encore avec Maëva. Les cheveux colorés. Oui, non. C'est quoi ta vraie c'est couleur? C'est fini, hein. Ah oui, c'est chiant en fait ma vraie couleur. Ah. C'est un petit peu ça, mais en fade. Je connais pas. Il y a des couleurs chiantes. Et tu m'as pas connue avant. Avant j'avais les cheveux mauves, j'ai les cheveux roses, j'ai les cheveux blancs, j'ai les cheveux gris. Ah, tu te cherches quoi. Ouais. Mais ça c'est bien, ça. C'est naturel. En fait, on dirait pas que c'est faux, c'est parce que tu me connais. Mais tu sais, on parlait dans ton dos avec Kix. Ouais. Comme d'hab. Ouais. Et on se disait, franchement, depuis qu'elle a arrêté la frange. On t'a redécouvert, mais d'une beauté, tu sais, c'est un level au-dessus, quoi. Ah, merci, c'est gentil. Vraiment. Non, vraiment. On finit avec la coupe mulet, quand même, l'apothéose de la soirée, avec les 200 personnes qui sont restées spécialement pour ça. La soirée du samedi s'est clôturée avec un chmulet, soit une chenille, où chacun se tient par le mulet. Une chmulet. Oh, super, pas mal. Après idée. La cheche synchro, le cheche mumu, le. Enfin, je sais pas comment ils le font d'ailleurs. Waouh. Comme quoi, on peut avoir un mulet, venir de loin. Et quand même atterrir en Belgique, c'est quand même génial. Bon, Kix, on t'inscrit pour l'année prochaine ? Ouais, avec plaisir. Bon, tu sais, je dois laisser pousser. Tu sais que j'ai vraiment eu une coiffure qui ressemblait un peu à ça quand j'étais petit ? Non, t'as fait une crête. Non, encore plus petit. Ah ouais ? Ah oui, vraiment plus petit. Enfin, je te montrerai une photo. D'accord, ben, on l'attend avec impatience. Avec si plaisir. Vraiment elle est drôle, on la mettra sur mon Instagram. Merci de nous avoir choisis. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. C'est avec Jadoul. Podcast. Eh bien voilà, merci Simone. Et toute son équipe, évidemment. Merci. Ouais, bah non, il faut le dire. Quel talent. Ils le disent pas dans tous les jingles. L'an prochain, on essaiera que ce soit dit dans tous les jingles. Ok. Bah oui. Voilà, on fait front commun. La manif. Bon bref, dans un instant, on va avoir notre invité, Kix, ce sera Michou, le youtubeur. Ah oui, pas celui qui faisait les soirées. Non. Rien à voir. Ok, on aura aussi Dominique Vegas pour son horoscope, le Vegastral. C'est ça. Des prévisions. Baptiste, c'est quoi ton signe astrologique ? Vierge. Vierge, bon, je pense pas que c'est ça cette semaine. Heureusement, parce que si tu ne... Là, tu vas faire la connaissance de Dominique Vegas. Tu le connais peut-être parce qu'il est très connu. Oui, mais j'ai déjà entendu une fois ou deux, il me semble. Ah oui, bah voilà. Tu vas voir, ça va être sympa. Prépare-toi. Maëva, le fallait nous lire plus tôt cette semaine, c'est... Comment avoir le meilleur sourire sur les photos? Bah quoi? Avoir les dents du bonheur. Mais non, un tips. Ah. Est-ce que t'as une idée? Se chatouiller. Non. Je me chatouille et puis je... Non, ok. Tu balances une énorme vérité, les gens font... Non. Non, d'accord. Non. Mathis, une idée? Moi, on me disait dire le mot Riesling, c'est du vin. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça, c'est pas Riesling. Bon. Riesling. Ah, mais tu dis un mot quand même? Peut-être. Et tu fais la bouche en canard quand tu dis Riesling. Riesling. Non, t'as les dents qui. Riesling. T'as l'air bourré en fait. En fait, c'est pour ça que toutes tes photos d'avant sont ratées. C'est parce que. C'est pour ça que ma dernière photo, c'est de 2017. Ouais, c'est ça. C'est quand même le seul mec qui assume. Sur son Facebook, d'avoir une photo de 2017. Je devais annoncer aux équipes Baptiste qui rejoignait l'équipe. Et là, j'ai été chercher sur l'internet des photos. De classe verte, de voyage. De classe verte, de voyage. Au Mont-Saint-Michel. Et je tombe sur Baptiste, mais genre le Baptiste V1 d'il y a quelques années. C'était pas les cheveux et la tête d'aujourd'hui. Tu es le frère de Baptiste donc. Tu es Baptiste, d'accord. Ah, c'est le vrai. Bon, bienvenue. Heureusement, c'est de la radio. Ça reste intact de A à Z. Voilà, on va continuer cette émission juste après ça. Avec plein de belles surprises aussi, vous ferez encore plus ample connaissance avec Baptiste. Tout ça, ça se passe juste après ça. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Tous les mercredis. Ah bah à l'oral, on sait tout faire nous. Bienvenue, d'ici quelques instants, en parlant de morale, il y a Michou qui va nous rejoindre. Oui, ouais. Notre invité de l'interview combinée. Ah oui, non, le youtubeur. Bah oui, évidemment. Moi, je rêverais que tu me déterres une interview du vrai Michou. Bah, je peux. Merveilleux. Ah, il était bien. Allez, Michou. Personne ne connaît Michou en 2024, mais c'est pas grave. Le Michou, c'était un mec qui tenait des cabarets à Paris et ouais. Tout, et c'était un fou. Mais génial, hein. Génial, le gars, mais bon, voilà. D'ici quelques instants, on aura notre certifié. Et cette semaine, c'est Maëva qui nous fait jouer dans le cinéphile. Oui. Yes. Et tant que la parole est à Maëva. Ah. Bah, à vous de me dire comment avoir le meilleur sourire sur les photos. Donc, Baptiste. Le vin, ça ne marche toujours pas. Mais moi, je resterai sur un mot. Picole. Genre mamie. Mamie. Juste glauque. Et là, on se retourne tous vers l'urne. Oh. Mamie, mamie. Oh non, tout le monde est de dos. Quelle horreur. Je dirais. Kix. Mais non, attends. Kix, ça marche peut-être... sur une photo. Kix. Kix. Ah oui, c'est vrai. Ah, spaghetti. Peut-être mettre les doigts dans la bouche, faire le signe. Non, mais tu. Vas-y, toute la famille, la photo de famille. Bah, peut-être tu fais une grimace et ça reste bloqué et puis. Cheese. Ah, oh, cheese. Cheese. Enfin, cheese, mais pas. Non. Alors, c'est d'après une étude faite par Nikon. C'est par Nikon. Comment vous dites Nikon? Nikon. Canon. Nikon. Bref, la marque d'appareil photo. Mange un canon. Donc, c'est une vraie étude qui a montré que c'était les francophones qui gagnaient avec le mot ouistiti. Ah oui. Ouistiti. Ah, et en fait, c'est parfait parce non, que c'est un cliché, ça. Mais non, ça permet de, entre autres, de placer la langue derrière les dents, ce qui aide à obtenir de plus belles photos. Voilà. Mais vous savoir qu'à travers les autres langues, par exemple, en Italie, c'est familia, en Espagne, c'est patatas. Avant une photo, je te jure, quand, tu sais, comme nous, on arrive ouistiti, ben, en Espagne, ils disent patatas, tu vois. En polonais, c'est marmolada. Et aux Pays-Bas, c'est zahinkas. Et en anglais, c'est cheese. Mais le grand gagnant, d'après Nikon, je ne sais pas comment vous dites, c'est ouistiti. Voilà, il faut dire ouistiti si vous voulez faire une photo parfaite. Et alors, les Anglais, ils font comment? Ouistatai. Écoute, ça, je sais pas, ils m'ont pas donné. Redis le polonais. Le polonais, c'est marmolada. Marmelade. Marmelade. Mais non, tout le monde a la bouche grande ouverte. Mais c'est oui, pas j'ai pas compris. Mais comme les Italiens, familia ou patatas. Vas-y, dis patatas. Patatas. Patatas. Eh, il y a moyen de s'énerver en fait. Ouais. Il y a moyen de le faire violent. Genre, tu sais, tu dis. Et à minuit pile. Patate. Voilà. Photo. Photo. C'est dans la boîte. Bon, faut que tout le monde soit synchro, hein, parce que si tu fais patate, patate. C'est n'importe quoi. Bon, merci, on a retenu. Il faut dire Fringelfrutsch. Ouistiti. Juste ouistiti. Ok. Ouistiti. Allez, on y va, on fait la photo. 3, 2, 1. Ouistiti. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tous les mercredis, Jadoul. Oh. Oh. Ça me fume toujours. Le Vega Astral, c'est maintenant. Dominique Vegas, notre voyant, bien sûr, est là, dans notre studio. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Jadoul. Dominique, pouvez-vous nous donner le signe fort du jour selon vos cartes? Oui, bien entendu. Ce sont les lions. Faites votre tirage et on vous écoute. Des obstacles pourraient entraver la bonne marche de vos affaires. Une entrave peut faire tasse, comme les betteraves. C'est manger des betteraves purées compote à midi. C'est très bien. Ah oui, bah oui. Bah, je comprends mieux le motif sur la chemise. Oh, oh sapristi, j'avais pas vu. Oh, c'est la troisième chemise que se tasse de la journée. Ah oui. Oh, flûte, flûte, flûte. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Poursuivez, Dominique. Domi, Domi, Domi. Oui, c'est bon. C'est tellement Domi. C'est so Domi. Tu vas pas t'y mettre. Pardon, c'est vrai. Parce que ça fait bien faire partie de la... Non, c'est bon, c'est bon. Ah, merci. Dominique, les lions. Horoscope, lion. Oui, oui. Vous ferez preuve d'une belle lucidité dans votre travail. Oh, la jolie petite luciole. Pardon, je me moque pas. Ah, j'ai l'impression que vous vous moquez. Non, non, non, non, je suis fatigué. Si. Non, non, ne cherchez pas. Je... Oui, donc, voilà, c'est bon. La lucidité au travail, c'est tout. Ah non, il y a le conseil. Oui, oui, il y a un petit conseil, le meilleur pour la fin, évidemment, ah, le grand conseil. Oui, je vous conseille de manger les betteraves cuites plutôt que les crues. Non, non, mais... C'est meilleur. Le meilleur pour la fin, F-I-N, pas F-A-I-M. Bien entendu, le conseil, le voici. Vous pourriez prendre un peu plus de temps pour vous occuper de votre apparence. Oh bah vous êtes lion, Dominique, par hasard, non? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Merci, Dominique. C'était le Vega Astral du jour. Au revoir. J'ai pas compris. Au revoir, soleil. Bonsoir, la lune. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Bah, tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, y a pas de souci. Ouais. Oui, moi je perds ma voix, c'est autre chose, ça c'est un gros problème. Bref, on va continuer cette émission avec le certifié. Oui. On va se balader du côté de Télématin sur France 2. Luché au cœur de la vallée de l'Aulne. 6 mètres 01. Plonévé du Chou accueille cette année les premiers championnats du monde de lancer. Alors, à votre avis, lancer de quel lancer s'agit-il? De chaussures. Sac de pommes de terre. Bonne réponse. Ah, voilà. Je l'ai vu passer. Les premiers championnats du monde de lancer de sacs de pommes de terre. 12,51. Quoi? Alors oui, un lancer de sac à patates. On rigole, mais c'est pas évident de lancer un sac à patates. Hein. Il faut quand même en avoir dans les bras, hein, parce que c'est lourd, hein, un sac de patates. Hein. C'est tout un savoir-faire. Les techniques des compétiteurs ne sont pas toutes au point. Certains prennent le sac à une main, d'autres tournent sur eux-mêmes. L'important étant d'éviter la chute. Waouh. Alors, je vous rassure, la personne que l'on entend crier à la fin va très bien. Ah, elle est dans le coma actuellement. Bon, alors, un peu plus de sérieux. Hein, comment savoir si la distance du lancer de patates est validée? Si le sac touche la ligne, c'est annulé. Hein? Alors là, si quelqu'un a compris, bravo! J'ai compris. Nicolas Goudet. La télé. Elle était déjà bourrée. Elle est la rembobine. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose que j'ai compris, c'est que le sac doit passer la ligne, mais bon. Voilà. Non, s'il touche, qu'est-ce qui se passe? C'est validé ou pas? Écoute. Si le sac touche la ligne, c'est annulé. Et quelle ligne? Et quel est le petit nez? C'est quoi un petit nez? Mais qui êtes-vous? Bon, ça manque un peu de motivation, je trouve. Ok, waouh. Attendez, il y a une chèvre dans la foule ou c'est moi? Attendez, on va mélanger, on va voir si ça passe inaperçu. On met une biquette dans l'eau et on voit si ça se mélange à la dame là qui... Ça passe. Franchement, au milieu de la prairie, nickel. Bon, une dernière chose à savoir, peut-être sur ce championnat du monde, l'air de rien, de lancer de patates. Petits et grands, pieds nus ou en talons aiguilles, le championnat de lancer de sacs de pommes de terre est ouvert à qui veut. Record à battre l'année prochaine, 11,30 m. Elle a tout dit, on peut le faire pieds nus, Kix? Oui. Tu peux y participer donc. Hein. Je sentais venir celle-là. Bah évidemment. Ça. Même avec une coupe mulet, on peut y aller aussi. Ah bah ça va alors. On va faire les deux. Ouais. Tu vas lancer des sacs à patates pieds nus en coupe mulet. Et tout filmé. Mais les gens ont dû être dévastés, ça tombait en même temps, le lancer de vin. Comment choisir entre... Bah, c'est les patates ou le mulet. Hein. Ça a dû être horrible. Tu sais, on peut pas mener tous les combats. Il faut faire des choix parfois dans la vie et bah là, ça en fait partie. Merci de passer votre soirée avec nous. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Interview combinée. Combini. Tout ça pour ça. On prend une interview du média combiné. Oh là, ça part, hein. Combini. Ça part bien, même. Ouais. On prend une interview du média combini. Et on en fait une interview combinée. Parce qu'on garde les réponses de l'intervenant. Voilà, c'est ça. Et vous devez être... drôle, en théorie. Oh, ça va, vous êtes pas emballé. Hein. Drôle, drôle. Sinon, un coup de... combiné. Paf. Voilà. Qui a ramené son fils en studio? Hein? C'est qui, le gars, là? Je sais pas, c'est pas moi, en tout cas. Mais il joue à Fortnite, là, sur sa Nintendo Switch. Il dérange personne. Hein. Yo, c'est Michou. Ah, pardon. Oh. Ah, c'est Michou. Ah, pardon. C'est l'invité. Désolé. J'ai cru que t'étais... Non, rien. Il me fera quand même un café. Bienvenue à toi. Bon, tu es d'accord pour venir jouer avec nous l'interview combinée? Ça peut être trop marrant. Ah bah oui, j'aimerais bien en tout cas que ce soit le cas. Enfin, ça dépendra de l'équipe. Hein. tu les as vus aussi, hein. Mais bon. Allez, on y va. On démarre. Kix, donne-nous le ton. L'excuse que tu donnes quand tu rates ton permis. Je l'ai fait avant tout pour le kiff. Ouais, voilà, voilà. Beaucoup de gens font ça. Hein. Ah, ça a foiré ton projet là de podcast? Ouais, moi je le fais pas pour le kiff, hein, je l'ai fait pour marrer à la base. Vraiment, j'ai fait ça, mais pour la déconne quoi. Ah bon, t'as lancé ta propre activité, ton truc? Ouais, mais c'était un délire entre potes. Non, c'est pour se marrer. Maïva. Quand j'ai fait demi-tour sur le rond-point du boulevard Reyers. Je l'ai fait avant tout pour le kiff. Non, t'as fait pire. T'as roulé au milieu du rond-point, sur la dune, sur l'herbe. Et t'as fait dérailler le tram. Mais pour le kiff. Ouais, c'est ça. Baptiste. Écoutez le dernier album de Patrick Sébastien. Je l'ai fait avant tout pour le kiff. Ouais. Bah, en vrai, hein, vous savez ce qui est le pire? C'est que c'est vrai. Ça marche. C'est de l'avoir acheté. D'abord, tu fais oh, ça fait ringard. Oh, c'est de la merde. Et puis, au bout de 10 secondes, t'écoutes 6 heures en boucle. Bien sûr. T'es à la plage, tu mets ta petite radio là. Non, voilà. Non, n'exagère pas. Le petit CD dans la radio. Et les sardines, c'est parti. Voilà. De toute façon, bon. Oui, ok. Merci. Qui était le moins drôle? Kix. Merci. Merci. Bon, vas-y, rattrape-toi. Préparer mon mental à tout. À quoi? À perdre, pardon, tout l'argent que j'ai économisé. Refais-le, refais-le, on n'a rien compris. Préparer mon mental à perdre tout l'argent que j'ai économisé dans ma vie pour un voyage d'une semaine. Ça fait 3 mois que je m'entraîne. Ah, surtout si tu vas aux États-Unis. Ouais. Bon. Il n'y a pas de suspense, c'est toi qui l'as. Merci. Eva. Regardez, je suis louché d'un œil. Ça fait 3 mois que je m'entraîne. Mais non, tu restes bloqué. Ah, oh, attends, attends, attends, bah, je peux le faire. Tu dis ça parce que j'ai des lunettes. Là, ça marche, non? Mais t'es normal là. Ah merde. Ah, bon. Baptiste. Embrasser ma mère langoureusement. Ça fait 3 mois que je m'entraîne. Pardon. Ah bon bah on a. Mais il y a un âge. Il y a un âge où embrasser sa maman, ça devient un peu gênant. Ah vous faites pas vous. Non. Non. Bon. Je lui serre la main et je lui tire sa moustache. Bon. Kix. Quand ton patron te demande ce que tu as pensé de sa fête d'entreprise. Je trouvais ça trop trop bien. Ah oui, ça t'a pas intérêt à dire l'inverse. Ah ouais. Bah, attention, y a pas, hein. Y a pas non, c'était pas visé. Il n'y a pas de fête ici, donc il n'y a pas de toi, il n'y a pas de visée, il n'y a en rien. Plus, en plus. Tu me rappelles ce qu'on a fait la dernière de la saison, l'année dernière? Un barbecue sur le balcon. C'est pas mal, non? En direct. Mais bah, on a fait, attends, on est la seule radio qui met des micros dans les oignons. Oui, c'est vrai qu'on les entendait bien. Bah oui. Et je veux pas griller une surprise, mais on prépare un truc pour cette fin de saison. Aux oignons? Ah. Aux oignons. Yes. Maëva. Le blamatoscope après l'école. Je trouvais ça trop trop bien. Le blamatoscope, c'est quand tu prends des blâmes. Allez, tu blâmes. Tu connais pas Blabla? Moi j'ai. Quoi? Non, de quoi il Blabla? Ah, Blabla. Moi, je Blabla. Blabla. Ah oui, je cache ferme mes oreilles, ouais. Et je regarde pas. Ça me plaît plus. Et le quoi-cotoscope? Le blamatoscope hip-hop. Tu regardais pas ça? Mais t'avais pas eu d'enfant, Jadoul. Il regardait le JT. Bah, j'ai l'impression que c'est une extraterrestre qui vient de débarquer et qui me dit « Mais enfin, c'est tout à fait logique. Comprends-moi. Hip-hop, blablatoscope. Mais tu... Je cache mes oreilles. Je ferme mes fesses. Je... Et non, je cache mes oreilles. Attends, merde. Oh là là. Je bouge mes oreilles. Non, je ferme mes yeux et je regarde pas. La pub? Ouais, ben. Mais c'était des dessins animés présentés par une espèce de marionnette. C'est vrai qu'elle avait une tête un tout peu d'extraterrestre. Blabla. Et genre, il avait une amie souris qui nous présentait des livres. Le vieux rat. C'était un petit souris, un vieux rat. Empaillé. Et donc, du coup, on regardait des dessins animés, il nous les présentait. Et il était dans son blamatoscope. C'est comme dans la carte mère. La carte mère, elle parlait aussi. Non, tu te souviens pas, Chadoul? C'est stylé comme ça. De hip-hop. Allez, c'est fini. On arrête, on débranche tout. Quelle tristesse. Waouh. Mais j'étais sur une autre galaxie, hein, vraiment. Hip-hop. Ok, voilà, c'est pas grave. Oh. On a tout fait. Non, Baptiste, la dernière. Quand les témoins de Jéhovah viennent te convertir. Je trouvais ça trop, trop bien. Oh bon. Ah bah. Vous aussi, viennent vous harceler pendant 12 ans. Oui, mais de là à trouver ça bien. Bon, Baptiste, voilà. Ça occupe un dimanche, hein, ma foi. Si t'as rien prévu. Toute une après-midi. Franchement, moi, je les accueillerais de bon cœur s'ils venaient avec du gâteau, quelque chose, tu vois. Gâteaux. Mais il faudrait un jour vraiment ça jouer creepy. Genre, ils sonnent, tu dis oui, venez rentrer. Oh, vous restez boire. Tu sais, genre, les dégoûter et leur faire peur. Ah ouais. Ça, c'est un truc à faire. Jouer le psychopathe. Ouais. Mettre plein de verrous après, sur ta porte et tout. T'sais. Alors, on embrasse parce qu'il y a peut-être des gens là qui font du porte-à-porte et qui nous écoutent. On rigole. C'est juste que forcément. Vous le savez vous-même. Vous savez le nombre de refus que vous vous prenez. Donc voilà. Toquez pas. Venez chez Jadou, il y a du gâteau. Non mais je pense qu'il y en a qui ont compris ici, dans le coin, ici à Mézières. On est à Bruxelles, hein, pour ceux qui nous écoutent à Namur et partout dans le monde. Là ici, ils ont sur le rond-point de Mézières à Bruxelles, ils mettent un petit stand et qui veut, vient. Ils vont pas chez les gens. Ah, les témoins de Jéhovah? Oui. Ok. Voilà. Ah. Ils ont leur petit truc, la JW.org. Ouais. Ils attendent. Et hop là. Et pas mal. Et t'y as été. Bonne ambiance. Ouais, regarde, jamais personne. Donc, ah ouais. voilà, bon, bref. Allez, courage. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. On embrasse la direction, c'est très important. D'ici quelques instants, on va démarrer la deuxième heure de notre fabuleuse émission. On aura aussi plein de belles surprises pour vous. Il y a Radio Falminou qui va nous rejoindre et on fera un top 5 aussi des pires erreurs de marketing. Ça, c'est ce qui arrive d'ici quelques instants. Ça va la coordination là? Tout le monde est prêt? Très très bien. Expliquez-nous. Attends, je montre juste un truc à Maëva. Voilà. Ah oui, voilà, c'est bon, elle a trouvé ça ses va, bonus. C'est bon, j'ai trouvé mes bonus. Elle cherchait ses bonus pour la séquence qui arrive. Mais et oui, voilà, parce qu'il est pas ordonné, un gamin. Mais ils sont très bien rangés. Non, je suis pas d'accord. Bon, je vous explique, c'est Maëva qui envoie les sons à Kix. Et en fait, elle galère dans les noms des sons. Non, non, je suis désolée. J'ai vu, c'était moche. C'est horrible. Écoute, on parle de ça hors antenne, mais tu m'as envoyé sur WhatsApp comment nommer les sons et je les nomme exactement comme tu m'as dit de les nommer. Est-ce qu'on a fait espace-espace? Non. Oui. C'est tiret. Il n'y a pas d'espace. Ah. Il y a ça aussi. Maître Jadoul. Oui. Et en plus de ça, je les ai bien mis. Regardez chez vous. Allez, j'ai bien mis cinéphile. Coup de combiné pour Maëva. Et cinéphile bonus. Parce que t'as un faillot. Merci, monsieur Jadoul. Mais je te jure, monsieur Jadoul. Non, maître Jadoul. Maître. C'est mon avocat. N'importe quoi. Et du respect, madame. Sinon, on fait pas ta séquence. Hein. Bah, si. On ferme la boutique, là. Non. Hein. Bah, nouvelle musique. Les auditeurs vont être tristes. Ah, bah oui. Quelle perte. Bah. Alors, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Je fais pas ma séquence. Oh là là, je boude. Non, allez, je la fais. Le cinéphile, la séquence où Maëva nous fait jouer avec le 7e art. Exactement. Donc, on va commencer par la première manche où là, je vous passe des extraits du coup, d'un même film et vous devez découvrir de quoi il s'agit. Vous êtes prêts? Oui. Ah oui, juste, petite question. Baptiste, il a pas de buzzer. Si, attends, on va lui en mettre un. Ou alors, il crie Baptiste! Je suis là. Non, alors il faut juste qu'on prévienne Baptiste. Il aura bel et bien un buzzer L'année prochaine. Mais aujourd'hui il va s'appeler Antoine. Non mais aujourd'hui très bien Antoine. J'ai chargé un buzzer là pour Baptiste. Est-ce que tu peux le tester à l'antenne? Il est tout en bas à droite. Non il s'est pas mis ici. Il s'est pas mis, non. Pas mis. Ah mais c'est Antoine buzzer. Non c'est là. Attends hop voilà. Attends, on fait tout en live. Hop, on charge un. Oui, il y a un nouveau dans l'équipe. Ah, le voilà. Voilà. C'était comment? Hein? L'autre con. J'ai que ça comme buzzer. Reteste-le, Baptiste. Parfait. Merci en tout cas. Mais enfin. J'ai que ça. Mais t'es pas accueillant avec. Mais j'en ai gens. Pas un qui dit. Du harcèlement. Voilà. Kix, teste le tien. On est bon. Ok, let's go. Vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est parti pour l'extrait de la manche, l'extrait 1 de la manche 1. Attendez, c'est la séquence qui a mis le plus de temps à démarrer de l'histoire. On répète peut-être, ouais. C'est le cinéphile, on joue avec le 7e art, que des films. Et là, attention, avec des extraits, Maëva va nous faire trouver un film. Ouais, avec trois extraits d'un même film. C'est parti pour le premier. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois plus. Personne? Les Schtroumpfs. Pardon? C'est le film d'Optique 2000. Ok, c'est pas grave. Extrait numéro 2. Ceux qui viennent du ciel nous ont envoyé un message. Olesoto Teruai. Ils disent qu'ils peuvent prendre. Oui, Kix? Star Wars? Pas du tout. Merci. Voilà. Pas du tout. Et tu viens de gâcher l'extrait, donc on va devoir le remettre parce qu'il est important. Les autres, soyez attentifs. On fait que ça. Ceux qui viennent du ciel nous ont envoyé un message. Olesoto Teruai. Ils disent qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Warisat Neu. Et que personne ne peut les en empêcher. Tatsun Mivunye. Personne. Ah, c'est Star Wars. Ah ouais, c'était mais pas non. Vraiment. Ok, extrait numéro 3. Ils sont en vie, Jake. Vive dans Ewa. Oh ah, je l'ai, mais tu je peux pas. Tu es Motikaya maintenant. Tu peux tailler ton arc dans le bois de l'arbre maison. Y a personne qui a envie de me balancer la réponse par SMS. Hein. Là, je peux. Ah non, je peux pas. Kix, il l'a, je suis sûr. Ah, Baptiste. Kung Fu Panda. Pas du tout. Oh là là là. Bien tenté. Allez, j'en fais un. Allez, je le fais. Et loue la cuisse. Oui, en japonais. Bah, du coup, je l'ai. C'était quoi? Enfin, je crois Avatar, les exactement. Bonhommes bleus là. Ah, du... Ouais, mais il n'a pas le point. Ah, il n'a pas le point, mais c'était bravo, Avatar. Bravo, Avatar. Les Motikawa. Tu crois que je regarde ces trucs-là? Mais bien sûr que oui. Je pensais génial. Que c'était du japonais. Moi. T'as jamais moi vu aussi. Avatar? Non, j'ai jamais vu Avatar. Qu'est-ce que je foutrais avec Avatar, moi? Oh, que t'es mauvais. Bon, on passe à la manche numéro 2. Oui. Donc là, encore une fois, trois extraits, sauf que c'est moi qui vais les lire sans aucune expression et à vous de deviner. Vous êtes prêts? Oui. Donc l'extrait numéro 1, c'est « Le sol semble pour le moins instable, impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. » Non. Ouais. Alors, qui se tâte? Tu vois qu'on l'a pas, donc ce qui serait malin, c'est que tu te réserves pour le deuxième, là. Non, mais j'ai un truc en tête, mais j'ai pas le nom. T'as un truc en tête? Oui, je crois. Toi, t'as un truc en tête. Et ça bouge quand je secoue la tête. Cling, cling, cling. Ah oui, en effet. Extrait numéro 2. Il y a un serpent dans ma botte. Toy Story. Oui, exactement. Wow. Et wow. Le troisième extrait, c'était... Vers l'infini et au-delà. Voilà. Oh, ça, oui, Richard. On avec Richard Darbois. Richard Darbois. La musique. Merci. Donc c'est Buzz l'éclair qui fait à chaque fois qu'il parle. Ouais, c'est ça. Donc du coup, un point pour Kix, on passe à la manche numéro 3. Donc là, je raconte très très mal une histoire. Et très, ça, très, très, très, très, très, très mal. D'accord. Bah, elle a commencé vous, d'ailleurs. C'est à vous de deviner. Voilà. C'est à vous de deviner. Donc c'est l'histoire d'un vieux un peu fou qui veut absolument ouvrir un zoo. Alors pour ça, il doit dépenser énormément d'argent. Oui. Jurassic Park. Oui, mais t'es trop fort. Waouh. Wow. C'est une humiliation. Là. Voilà. Non, non, ça va. Ah, pardon. Bon, mais Kix a deux points, je pense que... Voilà, vous deux, vous êtes vraiment nuls, si je peux me permettre. Écoutez cette sans musique. Waouh. J'ai l'impression de visiter les studios nostalgie. Oh non, c'est la première. Sommes-nous dans les couloirs de la RTBF? Waouh. Pardon, j'ai été complètement absorbé par ah, le truc. Ça. J'ai voyagé un peu partout. Donc c'est, tu me dis, c'est Center Parks. Ah oui, non, je c'est ça, pas. Ouais. Center Parks. Péridéisa. Ouais. Péridéisa, mais c'est super. Club Med. Ah ben, merci beaucoup. Bon bah, Kix gagne, hein, félicitations. Yes. C'est quand même l'un des seuls jeux où Kix est quand même une championne. Ah oui, c'est vrai que j'ai... Il est une très doué. Petite championne. Ouais. Une belle championne. Excusez-moi. Bon. Merci Kix de nous avoir ridiculisés. Avec plaisir. Voilà, et t'as bien vu, Maëva, on n'a aucune culture de ciné. Ouais, mais j'avais espoir voilà. Sur Baptiste, mais je vois oui, que non, je vais ranger dans la même case que toi. C'est quoi que tu regardes, toi? C'est quoi tes films? Moi, je suis plutôt film français. J'ai trouvé! Comédie. Non, mais on avait déjà Jadoul, aussi, on n'avait pas français, besoin hein. De ça. C'est moi qui t'ai fait découvrir Pierre Richard. Hein. Oui, enfin après. Pierre Richard, très bien. Le troisième. Moi, tu connais vraiment Pierre? Mais oui, j'adore. Ça, c'est la TV. On l'a pas engagé à tout hasard. On a une bande de potes qui la chèvre, forcément. J'étais mais chez lui à Gruissan. Je te signale que la fois pardon. Dernière. Tais-toi, toi, on non, parle de Pierre Richard. La fois dernière, j'ai mis La Folie des Grandeurs et tu l'as pas trouvé. Donc, mais c'est bien. Le cinéma français, vite fait quoi. Et donc Pierre Richard, Baptiste, t'as dit. Ah. Pierre Richard, c'est notre molaire. Comment? Quoi? C'est notre deuxième molaire. Bah, j'ai envie de dire ça, avec plaisir. Mais quoi? J'ai l'impression que là, c'est vraiment une émission mal montée et que c'était un bout du montage qui est resté. Un truc qu'il fallait couper. Redis-le, Kix. Et une dernière fois. Pierre Richard, c'est notre. Tous les mercredis, c'est la trappe. Jadoul et toute son équipe. Partout en podcast. Avec nous pour la deuxième heure de cette émission. Vous avez loupé la première, vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui se suit de A à Z. Hein. Et on est en podcast. Ça se picore, ça se mange. Ça se picore. C'est un apéro, notre émission. Ouais. Un apéro dînatoire. Vous avez le truc gras et vous avez le mais... truc. Mais non, mais tu t'es senti visé. Tu m'as montré de la main? Mais non, mais j'imaginais une table face à oui, moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh mais il y a aussi les trucs secs et que personne ne veut toucher. Le mur non, est c'est quand toi même... que je le mur est quand même très joli, je dois dire. C'est un beau mur ici. Kix. Les moulures sont très bien faites. Qu'est-ce que tu fais? Comment? je change de conversation. Ah, ok, c'est quand papa et maman se disputent, voilà. Il a peur, tu sais. Ouais, t'as raison. Ah, mais bon, voilà, donc l'émission, c'est un apéro, tout le monde est bourré et tout le monde se gueule dessus. Allez. Et de la faute à qui ? À retrouver en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. Vous tapez Jadoul, pas trop fort, et vous nous retrouvez. Ça vous dit qu'on fasse les inflops ? Oui ! C'est ma voix, tiens, parce qu'à tout moment, c'est vous qui les faites. Hein. D'accord ? Soyez à la page. Hein. D'ailleurs, à la page 12. Allez, on y va, les inflops, comme chaque semaine. Numéro 1, en France, en Moselle. L'inscription de 4 élèves a suscité énormément de réactions. Pourquoi ? Ces 4 élèves étaient en réalité des moutons. Hein ? Des moutons, oui. Les parents d'élèves de 3 communes ont mené une action symbolique pour tenter de sauver une classe menacée de fermeture à la rentrée. Oh. Selon eux, cette action était une réponse à la décision horrible. Donc ils ont inscrit des moutons. Enfin voilà, c'est pour que ça en parle et tout. Voilà, ça a fonctionné comme il faut. Eh ben c'est sympa, hein, les classes d'école en Moselle. Ça a changé. Ah non, mais on peut faire des choses sympas. Hein. Et du coup, ils avaient un nom de famille aussi, alors, ce mouton ? Ben, c'est mouton 1, mouton 2 et puis mouton d'or. Voilà. C'est à peu près comme ça. Non, mais c'est bien. Hein. Oui. Va à l'école, il y a des moutons et puis... La vie comme une fête foraine. Parfait, quoi. En numéro 2, un flop. Le chancelier allemand a décollé en direction de la Turquie pour un voyage officiel. À bord de l'avion, le président a été accompagné non pas par un haut diplomate, un haut dirigeant, mais par monsieur Kelles. Ok. Un kebabier. Alors, il semblerait que la famille de ce produit kebab est propriétaire depuis 3 générations d'un snack réputé dans Berlin. Le président a donc voulu lui rendre hommage et l'inviter en Turquie où il servira son fameux kebab lors d'une réception officielle à Istanbul. Waouh, ce kebabi a tout compris. C'est en appelant toujours tout le monde chef que ça fait écho un jour à la bonne personne. D'un coup, tu dis chef à la bonne personne, ça y est, tu montes dans un avion présidentiel. Oui, c'est comme ça, tutoyer le chancelier, il n'y a que lui qui peut le faire. D'ailleurs, en plein milieu de la conférence, le kebabi a lâché salade tout. Oui. Sauce. Et là, le président, je suis dans la sauce. Qu'est-ce que s'il dit? Allez, c'est bon, rentre. Bon, bref. Troisième et dernier inflop aux États-Unis, près de Los Angeles. Un ours. Un gros animal. Maëva le matin. Je te jure que je vais te taper. Un ours adulte et 2 de ses petits, bravo, tu es maman, ont fait irruption ce lundi dans le jardin d'une villa et n'ont pas hésité à profiter de la terrasse et faire un petit plouf dans la piscine. Bah oui, durant plusieurs heures. Bah, tant qu'à faire, autant profiter. Ils étaient en Airbnb pour la journée. Hein. Le propriétaire de la villa a dû rester à l'intérieur de sa maison pour sa sécurité, forcément. Bon, il a filmé, il s'est occupé, il a filmé. Tant qu'à faire. T'imagines, ce sera arrivé en Belgique ce week-end. Le seul jour du beau temps. Si, il a le soleil à un moment. C'est maintenant. Et tu peux pas profiter de ta piscine. Non mais, franchement, moi j'aurais pas attendu. Hein. Je serais allé voir les ours là dans le jardin et je leur aurais dit... Non mais oh, il faut pas déconner avec la piscine. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah non. J'ai reçu un SMS du comptable. Ah! Oh, tiens, il existe. T'as dit ah non, c'est pas une bonne nouvelle. On est à sec. D'oignon pour le barbecue ? Non, on est à sec de pognon. Ah ! Pas oignon. Pognon. Il n'y a plus. Je préfère oignon. Il n'y a plus d'argent. Là, on est où ? Là, c'est la cata, là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura toujours pas d'éclairage dans le studio ou si ? Bah, rien. Là, c'est à la bougie qu'on va faire la radio. Hein. D'ailleurs, on va arrêter les consoles numériques, hein, ces tourne-disques, à partir de la semaine prochaine. Là, il n'y a plus de sous. On va faire des jaloux. Hein. Ou alors, il y a une solution. Ouais. On remet tous les comptes à niveau. On a un truc dans ce milieu. Oui. C'est la pub. Ah. Pas une mauvaise idée, ça. On diffuserait peut-être de la pub. Oui, allez. Allez. Comme ça, on renfloue un peu les caisses et on prolonge l'espérance de vie de cette émission de quelques semaines. Allez, on a vendu un espace publicitaire et c'est Radio Familioul qui s'est occupé de faire ses pubs. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Besoin d'une batterie ? Batterigo, le spécialiste de la batterie, vous propose un vaste choix avec une sélection variée de succès d'hier et d'aujourd'hui. Les atouts de Batrigo, accueil personnalisé, judicieux conseil, batterie de premier choix, service de qualité. Alors, go, go, go chez Batrigo. Nous vous souhaitons une écoute agréable. Batrigo, le spécialiste de la batterie. Patrio. Patrigo est situé 97B rue Louis Cati à Bordeaux. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Et dans l'équipe, on a une femme très importante. Oh une oui. femme qui va inspirer une génération de nouvelles animatrices qui voudront dire, bah oui, je veux faire comme elle. Elle est géniale. Elle est top. En même temps, elle nous a tout prouvé grâce à sa séquence qui s'appelle... Le hockey boomer de Maëva. Oui. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on fait, qui, quoi, comment ? Alors je vous fais deviner trois informations, trois actus de la semaine, pour vous les expliquer après. Comme ça, vous allez être un peu plus intelligent en bien. Société. Wow. Trop, trop bien. On commence avec la première info ? Oui, pourquoi pas. Alors, quel élément tout droit sorti d'un film de science-fiction a été installé à New York et à Dublin ? J'aurais dit un vaisseau spatial. J'ai un peu d'espoir, je me dis qu'ils ont ramené sur Terre une file du supermarché qui avance rapidement. Pas du tout, désolé de briser tes rêves. Ok, super. Mathis, une idée ? Peut-être les Bogdanov ? Ah oui ! Genre on met, tu sais, Igor à New York et Troshka à Dublin. Troshka ? Quoi ? Pas Troshka ? Igor Grishka. Ah oui, Grishka, c'est quoi Troshka déjà ? Ah, c'est la boisson ! Mais ils sont morts en plus, c'est pas drôle, non ? Ah oui, oh. Non, le mec, c'est vraiment radio à peu près, quoi. Qui que c'est une idée ? Petrouchka et Pierre Desproges, là, c'est ça ? Mais je pense que j'ai vu l'info passer. Ah, c'est pas une espèce de portail. Oui. Et donc, les gens, ils se voient à travers le portail. C'est comme un grand écran, en fait. Exactement. Exactement. C'est wow. un portail futuriste, donc qui est en fait une création artistique de l'artiste lituanien Benediktas Gilis. Et en gros, le but, c'est de relier les gens entre eux. Alors, concrètement, il y a une caméra de très haute définition qui filme les passants devant chacun des portails, l'un à Dublin et l'autre à New York. Et c'est à ça retransmis en direct 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce qui se passe dans les deux villes. Alors, il y a les personnes qui se font des coucous, il y en a même qui essayent de faire deviner leur numéro de téléphone et qui s'appellent en direct. C'est assez marrant. Sauf que, sans surprise, bah, il n'a pas fallu patienter longtemps avant que ça parte en cacahuète. Oui. Voilà. Il y a eu des dérapages. Certains ne trouvaient rien de mieux que de montrer leur postérieur, faire des doigts d'honneur. Des nénés. Voilà, exactement. Ou montrer des vidéos de violence, etc. Enfin, bon, des trucs pas cool. Bien. Et donc, du coup, depuis lundi, le portail est temporairement arrêté. Voilà. Oh. Génial. Enfin quelque chose de vraiment chouette qui se passe et ça s'arrête. Bon, normalement ça devait durer jusqu'à l'automne et il va y en avoir dans d'autres villes, donc on espère que voilà. Mais le concept est génial. Le concept est génial. Non mais tu peux pas empêcher l'humain quoi qu'il arrive, il a un truc, il faut qu'il le pervertisse. Exactement. Mais c'est ce que disaient un peu les créateurs. En gros, il y a eu que quelques cas de dérapage, mais le problème c'est qu'avec ce qui se relaie sur les réseaux sociaux, on voit plus que ça. Est-ce que je peux vous rappeler que là où gagne sa vie Kix OnlyFans, Mime, c'est des systèmes qui n'étaient pas créés pour le cul à la base. Hein. C'est des systèmes qui étaient créés parce que, imagine, t'es peintre, t'as envie de montrer tes toiles sur Internet et t'as envie de faire payer l'accès à certaines toiles. Voilà. Mais je mettais pas mes pieds avant. Avant, je mettais pas mes. Je faisais des dessins. Ah. Et le problème, c'est qu'une fois, j'ai fait une photo de mon dessin, on voyait mes pieds. Et j'ai remarqué qu'il y avait plus de ça gens qui achetaient. Plus. Oui. Tes pieds oranges qui. C'est ça. Parce que comme il buvait trop de jus de carotte quand il était petit, il a eu le teint orange. Là, alors, vous balancez des vraies infos. Hein. C'est parti partout, sauf en bas. Quoi. Bon, allez, merci. Ouais, on passe à la deuxième info, peut-être. Oui, c'est bien ça. Ouais, vas-y. Voilà. Pourquoi Apple est dans la sauce ? Kix, une idée? Je sais pas moi, Sony Ericsson lance peut-être une gamme de téléphones. Tremblay. Ah. Pas du tout. J'adore une idée. Non, je pense qu'ils se sont rendus compte que l'iPad ça sert plus à rien et que l'iPhone est à maturité de son évolution, donc c'est fini, ils feront plus de bénéfices. Tu dis ça alors que t'es Team Apple à 2000%? Non, mais c'est la vérité. Je pense que par exemple, là, je sais pas, j'ai quel iPhone? Bon, le dernier, attends. Le 15 Pro Max. Alors, j'ai l'iPhone, attendez. Non, mais 15. Je pense qu'au-dessus de ça, il n'y aura plus rien, quoi. Enfin, le 16, qu'est-ce qu'il aura de plus, quoi? Ils vont mettre pas du titane, mais ils vont faire un truc en bronze. Enfin, je sais pas. Non, ce sera du. Comment ça s'appelle? Que du c'est charbon. Projeté. Que, allez. Du sablé. Mais non, c'est un truc projeté et tu tapes un dans. Un postillon. C'est différent, mais c'est bien aussi. Mais comme dans Star Wars, le gars, c'est comme un. C'est bien. Merci, madame. Mais aidez-moi. C'est pas projeté, c'est hologramme. Ah ouais. Non, bon, bref. Pas encore. Baptiste, une idée pourquoi Apple est dans la sauce en ce moment? Peut-être que Steve Jobs arrache quitte, tout simplement. Il est parti. Il est parti pour faire de l'humanitaire. Et pas. Mais Steve Jobs. Ah, Steve Jobs. Allez, merci. Là-haut, avec des Bogdanov. On embrasse. Tout nos voeux, tous nos voeux. Igor et Troshka. Donc, bah, du coup, pas du tout. Hein. Appelé dans la sauce pour sa publicité dans le nouvel. Enfin, la publicité, pardon, pour le nouvel. Ah, oh, c'est dur. Pour le nouvel iPad Pro. Pardon. Alors, Baptiste, toi qui découvres Maëva, c'est ce qu'on appelle un démarrage en peloton. En gros, donc, dans la publicité, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit dans la sauce? En gros, c'est du matériel qu'on peut qualifier si on veut. De vintage. Alors si la maman de Maëva écoute, oui, dans la sauce, ça signifie en galère. En galère. Là, voilà. C'est dur. Donc en gros, tout ce matériel vintage est écrasé par une presse hydraulique géante. Okay. Et donc en gros, il y a un piano, une arcade de jeu, une map monde, pardon, un métronome, une télévision, bref, j'en passe. Et en gros, c'est clair, il s'agit d'objets dont on n'a plus besoin parce que tout est sur l'iPad. Et donc du coup, tout ça à la poubelle. Poubelle. Mais donc du coup, c'est assez mal passé auprès d'internautes qui ont. Oh, ben, l'écologie. Mais non, ils ont été choqués de la publicité qui dit qu'en gros, ben, on n'a plus besoin de rien. Enfin, en gros, Hugh Grant, même l'acteur Hugh Grant a dit sur X en parlant d'une destruction de l'expérience humaine avec l'aimable autorisation de la Silicon Valley. Parce que oui, la pub en fait, elle est assez trash. Ça montre qu'on n'a plus besoin de ce matériel. Ça fait peur. Je comprends. Oui, que ça fait voilà. Peur. En gros, la suprématie de l'intelligence artificielle. C'est comme si on brûlait une bibliothèque en mode, bah, vous avez tout sur un Kindle. Voilà, exactement. Bah, c'est horrible le symbole que ça renvoie. Mais oui. C'était ça la pub, en gros. Voilà. Et donc ils se sont excusés. Ils ont dit désolé. Voilà. On le fera plus. Changement de. Je pensais que t'avais fini. Non, Apple s'est exprimé en disant qu'ils étaient désolés, mais que c'était la créativité avant tout qu'ils voulaient apporter à leurs utilisateurs. Donc, okay. Désolé, mais pas trop quoi. Info numéro 3. Je vois que tu l'attendais. Donc, quel invité totalement improbable a assisté à l'un des concerts de Taylor Swift à Paris? Michel Drucker. Non. Ah, Michel. Pierre Richard. C'est pas si improbable. J'ai d'où une idée. Les patrons de Spotify pour dire à Taylor Swift d'arrêter de casser sa plateforme quand elle sort un album. Peut-être. C'est pas ça. Une idée, Baptiste? Moi, je reste sur Pierre Richard. D'accord, ok, non, pas du tout. C'était un bébé. Un bébé, vous avez peut-être vu passer hein, les images d'un bébé sur les réseaux sociaux. C'était pas un fake, c'est vrai, il y a vraiment un bébé. Plastique. Non, un vrai bébé, un bébé de même pas un an. Tu vois que vous c'est vous un. Vous vous rendez compte les décibels? Ben oui, voilà. C'était le début de la tournée européenne c'est Taylor grave. Swift. Ah oui. Ah ben oui, mais c'est pour ça que ça a fait parler autant de ça sur les réseaux. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge minimum en fait. Mais c'est pas divertissant, c'est grave ce que tu dis. Mais non, au final, le bébé n'a rien, ça va. Et alors la vraie question, c'est pourquoi c'était quoi ça, l'aréna, oui, l'a laissé entrer. Ben, c'est marqué qu'en dessous des enfants de 4 ans, c'est déconseillé. Mais au point de vue de la santé, il n'y a pas de. Enfin, c'est déconseillé. Ah si, tu bousilles le tympan à cet âge-là, c'est violent. Hein. Il est juste sourd, mais c'est pas très grave. Parce que déjà, nous, êtres humains normalement constitués, quand tu vas à un concert de Taylor Swift, bon, tes oreilles. Normalement, c'est conseillé de mettre des bouchons parce que tu perds de l'audition, hein, tu répares jamais ça. Hein. Comme quand tu mets ton casque à fond en radio. Hein, Maëva? Et là, le bébé, le tympan n'est pas encore totalement formé. Et c'est là que tu l'exploses. C'est à cet âge-là que tu peux avoir des vraies sourdités plus tard. Ouais, en effet, c'était. Alors, j'ai vu les images, c'était pas un bébé, c'était Boudère. Franchement, c'est pas très sympa. Non, un gros bébé. Voilà. Mais du coup, en effet, c'est, je terminais par ça, hein, avant que tu plombes tout. Mais oui, en gros, voilà, c'est un peu jeune pour être une Swiftie. C'est peut-être pas non plus un super recommandé pour un bébé d'aller à un concert. Non. Mais si vous pas. Avez vu les images passer, c'est vraiment vrai. Il y avait bien un bébé au concert de Taylor Swift à Paris. C'est honteux. Il y a deux choses à pas faire dans la vie, amener un bébé à un concert et les mettre sur TikTok en dessous de 12 ans. Ouais. Voilà. C'est vrai. comme ça vous savez. Moralisateur, tu sais, voilà. Ben non, mais voilà. Une émission de divertissement, on disait donc. Dans un instant, le top 5. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. Un bon rétablissement. Je vous le fais pas dire. Merci. Ah ouais, non, là, c'est très grave, là. Bon, je vous propose que l'on... Waouh, ça va être dur, c'est pas grave. Messieurs, dames, c'est the show must go on. Mais tu pourrais être préparé, enfin, t'es pas prêt. Mais non, mais c'est ma gorge, là, je le sens pas. J'ai peur de me foirer, là, sur ce top 5. Fais un peu Mocha. Mocha, mais non, Mocha Béranger. Expliquer aux gens. Oh. Mais c'est pas grave, ils connaissent. Ils vont aller regarder sur Internet, Mocha Béranger. Macha. Macha, oui, c'est pareil. Macha Béranger, c'est la vraie. Oui. Macha Béranger, c'est la vraie animatrice radio de France Inter. C'était. Et Mocha Déranger, c'est le personnage qu'on a fait dans l'émission. C'est... On pourra le tenter. Ouais. Si on a du temps en fin d'émission, ce qui est un peu le cas, je pense. Ok. On pourrait tenter un Mocha Déranger. Parfait. Avec la voix que j'ai. Ça ira parfaitement. Waouh. Ça va être très sympa. Incroyable. Où est le top 5? Dites-moi. Il était avant. Avant. Non, pas avant Sio, avant... Non, tu vas trop haut, là. Ah, pardon. Je descends. Avant mon... Là, attends. On est vraiment en train de faire une... Ah non, moi, c'est pas... Je descends. Je vous me dites hein, quand je m'arrête un jour. Hein. Attends, je vais te dire quelle page, parce que là, c'est... Tu peux me cliquer dessus. Je n'y arrive pas. Clique sur Kiki. Non, mais il n'arrive pas. Page combien? C'est simple. Page 10. Merci. Ah, en effet, je l'ai passé 10 fois. C'est ce truc-là qu'on fait? Oui. Ah, chouette. Merde. Nous sommes des professionnels. Ah, bah, alors là, vous l'avez vu. Et c'est maintenant que tout se joue, le mercato. Hein. Si vous voulez nous recruter, vous avez compris tout le potentiel. Hein. Ça prouve qu'on en dirait. Top 5. Des pires erreurs de marketing. Vous connaissez tous Bic, la fameuse marque du stylo? Oui. Ils ont créé un parfum à leur effigie. Oh. Ah, ils ont été forts dans le secteur du stylo, des briquets, des rasoirs jetables. Ils ont voulu conquérir le monde du parfum en 87 en offrant des flacons à moins de 3 euros pièce. Équivalent du Scorpio, quoi. Bon, ça faisait un peu tâche. Et les ventes se sont écroulées. Personne ne voulait du parfum Bic. Une grosse erreur de marketing. Quelle tristesse. En 4, Michelin et son pneu Pax System. Qui peut rouler encore 2 heures après avoir crevé. Donc ouais, c'est pratique. Ah oui, bah le pneu. Ouais. Voilà. Tu roules 2 heures avec. Ouais. L'idée était bonne, sauf qu'aucun garage n'était en mesure de vous changer ces pneus-là. Et en l'occurrence, le pneu coûtait tellement cher que les garagistes ont complètement snobé l'idée révolutionnaire. Et si les garagistes disent non, bah alors t'as ça nulle part. Hein. C'est eux qui dirigent. Hein. Bah attends, c'est eux les vrais patrons. On y va en top 3. Kodak. Oui, Kodak. Kodak. Les photos. Mais tu t'as vraiment dit Kodak. Kodak. Bah attends, quand t'as une musique comme ça. Kodak, mes petites poulettes. C'est le tout premier appareil photo numérique. Le PDG de l'époque. J'ai fait le maïva. Bonne nuit. Le PDG de l'époque, Walter, trouvait franchement peu crédible les gens qui avaient envie un jour de garder leur photographie sur un écran de télévision. C'est pas vrai. Et bah ça si. Flop. Du coup, il a pas voulu faire en fait d'appareil photo jetable. Walter, il aurait pu être millionnaire, milliardaire. Il voulait pas faire d'appareil photo numérique. Ouais, pour lui, bah, à quoi ça sert? Numérique, oui, pardon. Numérique, à quoi ça sert? Le numérique. Quelle idée. Je vous jure que j'ai connu des gens dans ce milieu de la radio qui m'ont dit tu veux faire de la radio avec des ordinateurs? Tu crois que c'est ça l'avenir? Tu crois qu'on fait de la radio avec des ordinateurs? Ben non. Une platine? Des cassettes? Est-ce que j'ai connu cette personne? Oui. Ok. Du parquet pour faire la table? C'est bon, tu fais de la radio avec ça. Un ordinateur pour jouer les pubs et les musiques. Mais t'es fou, toi. T'es mort. Plus personne va écouter ta radio si tu mets ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la radio commerciale. T'es un pourri. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été viré. Vous voyez, j'ai osé ramener des ordinateurs en... C'était en quoi? En 2019, voilà. Un beau milieu. En top 2 de ce top 5, Chevrolet a fait une erreur de marketing incroyable. Ils se sont trompés de nom pour l'une de ces voitures. Ah oui, un souci de traduction, ils ont lancé la Chevy Nova en Amérique latine. Elle met quelques temps, la marque Chevrolet, avant de réaliser que Nova peut se comprendre en espagnol comme ne va pas. Ah ouais, c'est pas ouf. C'est la Chevrolet qui fonctionne pas. La Chevrolet ne va pas. Ça, c'est une bonne voiture. Vas-y pour la vendre quand t'es garagiste. Et en top 1, la célèbre marque rouge de soda. Coca-Cola. Ah, merci, il y a eu un décalage entre nous. Bah, je sais pas. J'allais dire Pepsi, en fait. En Chine, ils sont convertis à la langue locale. Donc, la transcription de Coca-Cola, c'est Coca-Cola. Sauf que ça voulait dire jument fourré à la cire. What? Voilà. C'est beaucoup trop précis. Oui, il ne faut pas le faire. Hein. Non, non, non. Il y a des trucs où tu te dis, bon, on va changer le nom. C'est pas grave. Bon. L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. On se marre bien ce soir. Ah ouais. Franchement, éclaté. Oh ouais, ça va. On non, te fait que des compliments sur t'es ta nouvelle coupe de cheveux. Méchant avec... Non, arrête. Mais c'est arrête. Parce que, en fait, je pense que j'étais trop fait de compliments, là. Et donc, il y a un espèce d'équilibre des forces naturelles qui fait que, tu vois, ça se... Bref, Maëva va nous faire part de son sujet, un dilemme. Alors, dis-nous tout. Un dilemme. C'est sur les réseaux sociaux en ce moment, et principalement sur TikTok, un dilemme qu'on pose aux femmes. En fait, ça vient de la chaîne TikTok, Screenshot HQ. C'est un peu comme le brut américain, en gros. Vous savez, ils passent dans la rue, ils posent des questions comme ça. Un média, c'est ça. Et ils sont passés dans la rue et ils ont demandé à une femme, vous préfériez être coincée en forêt avec un ours ou avec un homme? Et en fait, quasiment toutes les femmes ont répondu un ours. Mais quoi? Ouais. Parce que, en gros, alors, ce qui sort de là, c'est que, en gros, bah, les ours, ils n'attaquent pas toujours, à part si on les embête, non? Enfin, tu vois, tous des trucs ainsi. Et donc, ça a donné vraiment beaucoup de. Bah, ça a fait parler les femmes, en fait, et ça a fait vraiment penser une question par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est un vrai sujet, ça. Et plutôt que les hommes se remettent en question, disant, ben non, c'est dommage, les filles n'ayez pas peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont réagi comme des gros misogynes, en disant qu'en gros, les femmes étaient complètement folles. Et ça, c'est les Américains, ça. Et donc, ça mène au débat. Ça mène au débat, vraiment. Est-ce qu'en forêt, il n'y a que des garçons ici, ça pas à merde. Et alors, il y a un problème, t'es dans un vestiaire, ça pue la transe ici. Je préférerais trois ours. Voilà, c'est ça ce qui se passe en ce moment sur TikTok et ça fait vachement réfléchir. Juste parce que les ours ont plus de poils, quoi, super. Ça c'est fait plus viril, attention. Trois imberbes dans ce studio, ça fait pareil. Donc c'est pour les poils qu'elles aiment les ours? Non, pas du tout, mais c'est pour des questions. En gros, ben voilà, si l'ours, tu l'embêtes pas, il t'attaque pas. L'ours, on me croira si on dit qu'il m'a agressé. Enfin, vraiment des questions qui, au final, ben, c'est pas très marrant et ça fait représenter un peu la société actuellement. C'est vrai. Comment les femmes se sentent à l'aise ou justement pas du tout à l'aise parfois dans cette société. Mais tu sais que toute la naïveté est partie. Mais premier degré, tu sais, la naïveté de. À l'époque, dans les villages belges, quand t'avais quelqu'un qui s'arrêtait pour dire tiens, tu vas où? À l'école, bah, c'est au bout de la rue, là je peux te redéposer. Avant, tu sais, le gamin montait sans aucun problème, sans se méfier. Et là, un peu après en fait les attentats, en 2001, bah, peu, la méfiance, toutes les histoires, toute la méfiance a monté. Et maintenant, j'ai une pote, elle avait un gamin avec un énorme sac à dos là, qui passait dans la rue, elle venait de déposer ses enfants. Elle dit, oh, mais attends, je te connais, toi tu vas à l'école là. Bah attends, mais je vais te remonter, c'est au bout de la rue, c'est sur mon chemin, viens, monte. Ouais. Non. Alors que si c'était un ours qui l'avait conduit, là il a pas de problème. L'ours qui a le permis, là. Mais non, mais heureusement que le gamin réagit comme ça, parce que si c'était pas ta pote paye. Ah, mais oh, un pote. Ta compote, et que c'était un détraqué à la place. Enfin, moi, je trouve que le gamin, il mérite des félicitations. Hein. Oui, mais bon, ça, c'est un signe quand même que dans notre société, c'est compliqué. Ouais. Ben oui. C'est dur. C'est de plus en plus compliqué. Mais toi, par exemple, là, tu devais faire le plein là, l'autre jour en pleine nuit sur une station-service, t'étais pas à l'aise. Hein. Non, clairement pas. Comme nous, on est deux hommes virils, on t'a accompagné, on t'a escorté. Et on a fait les ours. Là, franchement, j'étais vraiment à l'aise. On a fait les ours. Je suis poilu. Baptiste, fais l'ours. Ils sont juste embarqués. Ah ouais. Derrière, il va cracher un molar, c'est ou un zombie un peu peut-être. Ou Jean-Marie Le Pen. Un ours en fin de vie, Jean-Marie Le Pen. Oui, tout est possible. Merci Maëva. Avec plaisir. Donc bon bah les mecs, soyez un peu gentleman et accompagnez si vous êtes pote avec une meuf ou quoi, qui est pas sereine de rentrer chez elle, notamment. Mais je pense vraiment à Namur par exemple. Hein. Ouais. Namur, la gare, la traversée toute seule la nuit. Non, c'est pas possible. Mais non, mais même une fois, moi, je rentrais, voilà, en ville, il faisait nuit, j'étais toute seule et je vois qu'un garçon me suit. Et honnêtement, ça fait flipper. Et à un moment, enfin, il était pas loin. Et il m'a dit, enfin, t'inquiète mais pas. Oui, c'était après l'émission. Non, mais tu ris, mais il l'a pris sur le ton de l'humour. Il m'a dit, t'inquiète pas, je suis pas dangereux. J'habite juste là-bas, je vais au bout de la rue. Ça te fait encore plus flipper. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a rigolé. Et je savais. Ah. Tu vois, il me suivait pas, tu vois. Il m'a dit, voilà, je sais. Enfin, moi, ça m'avait rassuré personnellement. Et t'as bien dû stresser, quoi. Quoi ? Il a vu que tu stressais. Bah, il a vu que je marchais de plus en plus vite, je pense. Sprinter. Mais non, mais bon. Et t'as bien dormi dans sa cave, oui, ça a été ? Oui, franchement. Okay. Pour une fois, il y avait de l'eau. Des gouttes d'eau qui tombaient du plafond. Ah ouais, moi, ce matin, j'ai pris l'ascenseur avec une voisine, truc que je fais jamais. Et c'est un tout petit ascenseur. Oui. Elle t'a fait peur. Et alors, elle avait des cartons et tout, elle descendait des gros sacs et tout. Et donc, moi, élégant, je l'ai fait rentrer dans l'ascenseur et je me suis collé à elle, j'ai fait. Argent. Il fait plus ça. Et elle a apprécié, étonnamment. Eh ben là, j'ai rendez-vous à la police. À... Mais tu ris, mais j'ai un de tes voisins une fois qui m'a demandé. Ah mais c'est pas vrai, attends, laisse-moi désamorcer. Oui, mais non, mais... Laisse-moi dire que c'est pas vrai. Mais moi, j'ai un voisin une fois qui m'a demandé. Tes voisins, ici en bas, allez. Il m'a demandé ce que je on peux faire. On fait de la radio chez vous. Moi. Hein. Ben non, j'aurais pu, je venais te rendre. Non, mais on fait de la radio chez moi, voilà, on l'a dit, c'est okay, bon. Non, mais il m'a demandé, ça vous dérange pas si je monte avec vous dans l'ascenseur? Et j'ai dit, bon, non, pas de soucis. T'as dit oui? Bah oui. Moi, je dis non d'habitude, et hop, je rappelle vite l'ascenseur, bon, pas de ça. Toi, t'es méchant. Toi, bah non, l'ascenseur est petit, j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise. Voilà. Puis t'es le patron. Le patron, il a l'ascenseur pour de lui. L'ascenseur, le patron de l'ascenseur. De l'immeuble. Ouais. Voilà. Le concierge et le patron. C'est dit. Le concierge, le patron, l'homme à tout faire. Je fais tout. Des barbecues sur les toits. Ah oui, moi c'est tout. Ouais, bah ouais. Voilà. Bon, bref, merci. Voilà, si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des choses à rajouter qu'on n'a pas dites, parce que parfois c'est important et on fait peut-être des bêtises ou on dit des trucs qu'il ne faut pas ou qu'on a oublié de dire, n'hésitez pas. Instagram, Jajadoul et sur TikTok. Jadoulito. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. On a rendez-vous avec les bas-fonds de l'Internet. C'est notre séquence perdue sur l'Internet avec trois chemins qui s'ouvrent à nous. À nous d'emprunter le bon. Enfin, vous devez choisir celui qui existe vraiment. Ok. Attention. A-t-on dégoté Sylviane versus son mari, Mathieu, l'homme à la main de fer, ou on va partir sur l'univers de l'ange Cathy? Kix. Mathieu, la main de fer. Je veux l'univers de l'ange Cathy. Merci Maëva. Baptiste, une idée? Mathieu. Mathieu aussi? On va rester sur Mathieu. L'homme à la main de fer. La réponse? Vous êtes perdu sur Internet. Maëva avait bon. Yes. L'univers de l'ange Cathy. Et croyez-moi, sa chaîne YouTube porte bien son nom. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wow. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, Cathy? J'ai été réveillée à 7h, 6h et quelques, par une crampe, Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ça. Elle était où cette crampe exactement? Une crampe au mollet. Ah oui, oui, oui, okay, d'accord, j'ai eu très peur de ce qu'elle allait dire. Là, il a fait lourd, je suis rentrée, j'étais en transpiration. La nuque trempée, je suis en paréro, donc heureusement que vous ne me voyez pas. C'est pas plus mal qu'on n'ait pas les images, ni les odeurs même. Hein. Enfin, je vais pas m'éparpiller de partout. Alors, je vais vous partager aussi un lien à vous faire visionner, écouter, ce que c'est important, vis-à-vis du rêve que je vous ai expliqué, où je pensais avoir fait une sortie de corps. Un rêve d'une sortie de corps. Une sortie de quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Déjà, je comprends pas pourquoi elle prend sa caméra et elle raconte tout ça, mais... Madame, vous avez, pas sûr. Vous savez, la mer qui avait une couleur verte, au départ elle était une texture assez pas gluante mais qui ne collait pas, on s'enfonçait dedans, et après ça représentait des rectangulaires et j'allais dessus et voilà, et il fallait basculer pour passer à autre chose. Ah non, elle raconte son rêve. Ah. Okay, d'accord. Wow. Elle a fait un twister dans son rêve. Alors, je vous propose aussi de basculer et de passer à autre chose, parce que là, on est tous perdus. Donc, revenons à ce fameux lien vidéo dont elle nous parlait. C'est intéressant, voilà. En plus, on parle de l'Antarctique, etc. Hein, on se doute bien de ce qui se passe là-bas. sans tomber dans le... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais alors, c'est déjà très compliqué de comprendre. Mais si elle finit toujours ses phrases par... Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, voilà, le truc, là, le bazar, là. Ouais, ouais. On dirait Kix au début, de, quand il nous a rejoint à la radio. Ça s'est amélioré. Oui, bien sûr. T'as fait du chemin. Merci. Le chemin n'est pas accompli à 100%, mais t'as fait un bon morceau de chemin. Le chemin n'est pas avec nous, mais t'as fait du chemin. Vous n'êtes pas arrivé à destination. Ouais, fait demi-tour. Bon, on va pas s'en sortir. Cathy, je t'en prie, je t'invite vraiment à te concentrer. Dans le concon ploplo titi titi titi @stiste. Quoi ? Elle fait un AVC aussi. Non mais je pense qu'elle a tout compris, Cathy, elle est pas bête. Elle déforme les mots pour éviter les ennuis. Concon ploplo titiste @/. Mais bon, est-ce que ça existe vraiment en fait, les complots ? T'auras un exemple, Cathy, s'il te plaît. Bah, comme par hasard, dans les médias, on parle de l'Europe au niveau du réchauffement climatique. Donc c'est juste l'Europe, comme par hasard. Vous savez, le drapeau avec les étoiles. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien. Oui. Ben, ne dis rien. Alors, ne dis rien, hein, voilà. Ah si, peut-être juste le mot de la fin. Je remercie donc Christine de la Guadeloupe, ça fait énormément plaisir. Coucou. Merci aussi à Lanouchka pour son commentaire. Merci aussi à Marie-Clémence, etc. Je fais un coucou à Loulou, je fais un coucou à Marie de Chalon. Je pense avoir tout dit. Tous des gens qui n'existent pas. Mais c'est ça, dans ses rêves. Cathy, c'est pas l'émission des dédicaces ici, hein. On n'est plus en 1930, là. C'est bon, les dédicaces, c'est fini. Hein. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tout mercredi, Jadoul. Alors, il y a un désavantage à être malade, c'est qu'on a la voix qui part à tout moment. Ouais. Mais il y a un avantage, c'est que la voix est plus grave. Wow. Et avec cette voix grave, on peut imiter Macha Béranger de France Inter, qui a fait les nuits de France Inter, et en gros, c'était la voix dans la nuit. Ouais. Et nous, on a décidé de faire Macha Béranger. Bonsoir. Macha Béranger avec vous jusqu'à 4h du matin. Je suis asphyxié de Maë va te faire foutre à la réalisation. Kixisistite est notre stagiaire. Batoy pour les plaisirs solitaires. Ce soir, le standard téléphonique vous est ouvert. 01 930 42. N'hésitez pas. L'oreille vous est tendue. Soleil à Mireille qui nous écoute depuis la Guadeloupe. Un coucou Furax de notre copain Anthony qui a cassé son autoradio et nous écoute avec un cintre collé directement à son téléviseur. Un coucou gourmand de Gontran, qui nous écoute depuis Mons. Il est temps d'accueillir un premier auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Alfred. Que se passe-t-il dans votre vie, Alfred ? J'ai perdu ma moitié. C'est toujours un moment délicat. Oui. Un moment qu'il faut gérer. Est-ce que vous êtes entouré, Alfred ? Oui, mais je ne comprends pas. Je l'avais mise dans la machine à laver. et j'en ai ressorti qu'une seule. Lorsque j'entends sous prélude de Bach, par Glamgould, ma raison s'envole. Vous avez entendu, ici c'était Morane que vous aviez perdue, elle est revenue. Alfred, est-ce que c'est Morane que vous aviez perdue dans la machine à laver ? Non, c'était ma chaussette. Ah, eh bien je suis ravi de vous avoir aidé. À bientôt, Alfred. Mais j'ai pas retrouvé ma chaussette. Un bisou, un coucou soleil, au revoir, Alfred. Et ma chaussette. Merci de nous avoir appelés, on raccroche maintenant. C'est ainsi que s'achève cette émission. J'espère qu'elle vous a été d'une grande aide. Le standard téléphonique et les mails vous restent évidemment accessibles. Et je suis ému. Parce que, à travers tous les mails que l'on reçoit, nous avons formé la communauté de la nuit. Mocha Dérangé vous salue. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous. Portez-vous bien. C'est Jadoul. En podcast. Là, par contre, va falloir le faire sans moi. The Music Machine. Wow. Un nouveau remix. Waouh. C'est toi? De quoi? C'est qui? Que fait quoi? De Music Machine. Ah, c'est moi ça. Ah, c'est bien. Wow. Bonne contribution. Hey, tu pourrais travailler sur des radios, toi? Moi, je pourrais faire des jingles. Richard Darbois, c'est toi? Attends, oui, Richard Darbois. Tu veux que je te chante quelque chose? Oui, chante. La musique me prend parfois. Voilà, chante ça. Nice. Voilà. C'était moi. Ah, ok. Qui fait un effort. Non, mais je regardais pas, je te regardais toi, Maëva, et donc j'ai pas vu qui chantait. Okay. Mon Dieu. Bon, en plus, les excuses blanket. Sont en carton, c'est super. Bon, je vous fais un petit jingle comme ça, juste pour le cadeau. Vraiment. Allez, vas-y, ouais. Fais-toi plaisir. The Music Machine. Ah. Non. C'est dégueulasse. Je suis maître l'enfant. Oh waouh, c'est Maître Le Feu qui va arbitrer le jeu ce soir. Bonsoir Maître Le Feu. Pourquoi t'as crié dans mes oreilles? Je crie dans tes oreilles si j'ai envie. Pourquoi t'as mangé Jadoul? Bon Maître Le Feu, vous êtes là pour compter les points, vous êtes au taquet, vous êtes chaud. Ouais. Ah bah c'est super, on va démarrer le jeu. On joue avec Kix. Ouais. Avec Maëva. Oui. Avec Baptiste. Yes. C'est parti. Hey Sharon. Oui. Le titre. Le titre. Ah, je l'ai, ça m'énerve. Allez, dis-le alors si tu l'as. Ouais, sur le bout de sa langue. Oui. Perfect. Bonne réponse. Baby, version d'Ashley, elle vous a pas séduite? Vous la voulez pas à votre mariage? Elle a quelque chose. Ouais. Ça, c'est indéniable. Un petit timbre comme ça. Un vilain timbre. Oh, pardon. Il avait passé dans une trappe. On y va, on se fait la deuxième manche. Ouais. Yes. Concentration, c'est le retour d'un habitué. Oh, baby, baby, Britney Spears. Ouais, oui. It's me baby one more time. Ah mais alors il faut savoir un truc qui est très sérieux, c'est que David, fils de Momon, qui est le chanteur, a sorti ça sur Apple Music, Spotify. Ce que vous allez entendre, c'est sur les plateformes dispo partout, cover by David, fils de Momon, Baby One More Time. Il fait même pas les cœurs. Ouais. C'est pas vrai, c'est une blague. Non, bah, tape sur Spotify, David fils de Momon, Baby One More Time, ça y est, c'est dessus. Ah là, et tu vérifies. Ah. Bah voilà. C'est oui. Pas possible. Oh, chante bien. It's killing me now. Don't you know I still believe. Oh, il est pas dans le rythme. No, in me. Il fait aucun effort. Attention. It's me, baby, one more time. My loneliness is killing me. I must confess. On a notre dose, c'est gentil. Ça, l'Eurovision, c'est parfait. Ah bon, on aurait gagné sûr. Avec ça. Ah oui. Bah oui. Oh. Allez, on se remotive. Maintenant qu'on est sur de la bonne musique, on y va, on attaque la troisième manche. Ne me quitte pas. Bah Jacques Brel, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Pas moi. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Et de lumière. Merci. La version de Sabine, elle est moins joyeuse. Hein. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il. Un petit grain de voix. Hein. On est en train de se dire que c'est bien. Pff, elle gêne, elle chante pas, elle gêne. Moi j'aime bien. Elle gêne. Non, regardez, elle s'est calmée. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là. Ok, bah vendu, on fait ça. Dis bonjour, Sabine. Alors, mettre le feu là, vous avez suivi. On fait un petit récap. Dis-moi, ouais. S'il vous plaît. Du coup, Baptiste, elle a 0 points. Kix, il a 1 point. Et Maëva, elle a 3. Ouais, 3 points. Mais c'est super, alors on continue ce jeu. Avec l'avant-dernière manche, on se concentre. C'est jouable. Le jour s'est levé. Louis Bertignac. Non, mais. Ah, téléphone. Oui. Le jour s'est levé. Le jour s'est levé. Bonne réponse. Version Sylvie. Nous sommes ici pour croire. En duo. Ah, c'est beau ça. Rien d'autre à laisser croire. Waouh. On y va, on se fait la dernière, c'est la finale. When you were here before. Oh, je suis vraiment nul. Ça, c'est Creep des Radiohead. Bah oui. Ah, je la laisse pour le plaisir. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de l'émission, je le laisse. Ah oui ! Non, on fera mieux. On le diffusera en entier à la dernière de la saison. Ah, waouh ! T'es sûr que tu voulais pas la laisser ? Ouais. La version de Cerise, c'est compliqué. Hein. On a un peu crevé, là, ou quoi ? Mon chat, ouais. On fait une crise d'épilepsie. Pardon. Le gagnant maîtrise pas. Mettre le feu, pardon. Voilà, en plus, il m'insulte. C'est Maëva, 5 points. Merci, vous avez loupé tous les faits. On le refait. La gagnante, c'est. C'est Maëva, 5 points. Voilà, bravo Maëva, c'est encore une victoire pour toi cette semaine. Félicitations. Tu peux le dire avec moins de somme. Enfin, moins de. Non, j'ai du seum, j'ai le droit d'avoir mon seum. Mais non. Pourquoi tu joues même pas? Donc tu dois même pas être touché. Je me touche si j'ai envie. Oh, dégueulasse. Bon, bah, on souhaite une bonne suite de semaine. Merci de nous avoir écouté encore. Et puis c'est à retrouver partout en podcast. Des bisous, passez un bon suite. Allez, ciao. Ciao. Bisous. Ciao. Jadoul revient mercredi prochain.